cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Intahayna fi darsin al-akhir, on a fini dans le dars précédent, al-fasl al-sabi' fi hikmat al-nikah, les bienfaits, les sagesses, pourquoi il faut se marier. Et on avait lu ensemble kalam sur Mu'taymin, kalam jamil, et il avait conclu هذا الباب avec ما يتعلق بتحديد النسل أو تنظيم النسل, le contrôle des naissances, أو arrêter complètement avec les moyens de contraception. لأن من حكمة الزواج, parmi les حكم, les sagesses du mariage, c'est d'avoir des enfants. النبي صلى الله عليه وسلم il a encouragé sa umma, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم, dans une رواية الأنبياء. Et vu que وعظ الناس cette ni'ma, et il ne lui donne pas son haq, imma cause khouf min al-risq ou min al-tarbiya ou autre. Al-Shaykh ibn al-Uthaymeen nabba, il a clarifié هذا الباب. قال الفصل الثامن في الآثار المترتبة على النكاح. Après avoir cité les chapitres sur le mariage, sur le contrat de mariage, sur les conditions pour se marier, ثم il a démontré les bienfaits, les sagesses. هنا il cite الآثار. Et se marier, ça va impliquer des choses. من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالزواج. Il y a des choses qu'il devra faire. Et il va en citer plusieurs. قال يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي. أولا وجوب المهر. قال والمهر هو الصداق المسمى باللغة العامية جهازا. Donc tu trouveras في كتب الفقه كثيرا le mot الصداق. Et كذلك المهر. Et traduit par la dot. Et cet argent qu'il faut donner, ou ces biens qu'il faut donner, ou cette chose qu'il faut faire pour se marier avec cette femme. قال فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه. تستفيد من هذا أن أولا المهر c'est pour la femme. C'est ça l'asl. C'est pas pour les parents, c'est pas pour ses frères. Là, c'est pour elle. C'est son haq. كذلك que le père, le wali, ou la femme elle a demandé ce mahr, ou personne n'a demandé, il est wajib. لأن البعض ربما يظنون si personne a demandé, ce n'est pas obligatoire. Là, c'est un shart. Il est mazkour fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et fi al-Qur'an, on est obligé de le donner. Que cette femme elle demande, amla. قال وهو المال المدفوع للزوجة بسبب النكاح. C'est l'argent donné à cette femme لماذا pour se marier avec elle. La dot معروفة عند الجميع. قال فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا. والصحيح c'est qu'il n'y a pas de حد. Il n'y a pas de limite. بعض العلماء ils ont cité des limites. Dans le minimum. Le minimum c'est telle somme, telle somme. الصحيح c'est qu'il n'y a pas de limite. Ils se sont mis d'accord sur quelque chose, ils donnent cette chose. فإن كان معينا التعيين c'est citer ce mahr. De nos jours c'est beaucoup de l'argent. Maintenant, ils se sont mis d'accord, telle somme. Enfin, il doit donner cette somme. قال فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا. تستفيد من هذا كذلك أن الإنسان لا يكلف نفسه. أن هذه المرأة أعجبته. Cette femme, elle lui plaît, il veut vraiment se marier. Et ربما le mahr qui est demandé, il est énorme. Et il s'engage alors qu'il ne peut pas. هذا سفيد فيتان. ربما ça finit en divorce. لأنه il va se marier avec l'aqd, le père il est d'accord, il a promis هذا المهر, ثم ça devient sa femme, et au bout d'un certain temps il n'arrive pas et ça fait des mashaks. الإنسان يكون عاقلا, vu qu'au départ tu t'es pas encore engagé, ربما هم ils vont demander telle somme, si tu peux pas dis-la, là c'est كثير. Et s'ils veulent vraiment te marier, inshallah ils vont descendre. أما s'engager dans des choses ou التساهل في هذا, ça te fera du mal, أخي الكريم. لماذا؟ لأن الإنسان il est pas tout seul quand il se marie. Tu vas te marier avec cette femme elle a un père, elle a des frères, elle a de la famille. ثم si tu payes pas, ils vont penser que tu n'es pas une personne de confiance et que tu n'as pas de parole. Et ça fait des problèmes. Et l'insan, الحقيقة, celui qui s'engage et qui n'assume pas, il ouvre une porte. Il donne le bâton aux autres pour se faire taper. L'insan, il faut qu'il fasse attention. Vu que tu ne t'es pas encore engagé, tu donnes ton avis. Si c'est trop, tu dis là. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, fais l'hamdulillah, amour, c'est. Il y a des autres femmes, il a akhiré. Elle m'a s'engager, ne pas tenir parole, là, ça fait du mal. Donc, فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا. Donc le ta'yin, c'est se mettre d'accord sur une somme. Donc s'ils se sont mis d'accord sur une somme, il doit payer cette somme. C'est un haq pour la femme. Et c'est wajib alayh. قال وإن كان غير معين بأن عقد عليها ولم يدفع جهازا أي مهرا ولم يسم شيئا فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها. دوزيام كا أنه يدي نعم je veux donner un مهر لكن ils se mettent pas d'accord c'est quoi, ثم ils se marient إلى آخره, ثم à un moment donné il doit donner le مهر. Maintenant, sa femme, elle lui demande. La dot, tu ne me l'as pas donnée. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Et là, ça ouvre des portes de mashak. Les ulama, ils insistent dans ce genre de cas, ne pas laisser les choses vagues. Peut-être qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois de mariage, ta femme, elle va te demander le mois. Et un tas, tu vas lui proposer une somme. Et ta koula, là, c'est pas assez. Et un tas, tu vas dire, là, c'est assez, et ça fait des problèmes. Et Obama, ça finit en divorce. Enfin, il n'y a pas mieux que Al-Wudouh. Dès le départ. Avant de s'engager, même, Ba'adullah, c'est assez halon. C'est pas grave, le mahr, c'est après, c'est pas grave, il a akhri. Là, non, c'est pas grave, lakin, c'est bien de le citer. Est-ce que je peux le donner, Amla? Mahom, Obama, ils vont s'attendre à certaines choses, thumma yaqa al-mashak. Et ça arrive beaucoup, kadhalik, dans les dettes. Dans les dettes, ba'adhum, ils prêtent de l'argent et il n'y a pas de limite. An-sunnah, c'est bien sûr quand tu empruntes de l'argent avec des témoins et kadhalik, cette dette, elle soit écrite. Tuktab. Et mimma yuktab, c'est al-ajal. Kama amara Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prête, fa il prête, il a ajalin musamma. Si tu prêtes, tu empruntes à quelqu'un jusqu'à une durée. Limada. Li'anna mathalan, ana, je vais te prêter telle somme. Et on ne met pas de temps. Anna, je vais attendre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Au bout de cinq mois, maintenant, je vais te dire, akhi, mon argent. Toi, tu vas me dire, akhi, tu m'as pas dit de temps, donc, inshallah, le mois prochain, tombe le mois prochain, hakada, et ça commence les fitanes. Amma des témoins, c'est écrit avec un temps défini. Maintenant, je t'ai prêté l'argent, fijoumada, l'oula, fi ramadan, tu me les rends. Avec des témoins. Quand le mois de Ramadan il rentre, ya akhi, on s'était mis d'accord kada. Et les témoins, ils sont là. L'insan, il n'a pas d'autre choix. Il te demande pardon, il fait hadal hal, la rahma. Et s'il a fait des efforts, tu lui laisses encore un peu de temps. C'est ça, tariqat as-salam. Amma, combien de fitan via hadal? Troisième exemple, kada, les fi adam ta'yin, dans le commerce. Ça arrive kathiran, hadal. Khassatan. Dans le transport, on peut citer un exemple. Mathalan, wahed, il veut t'aider à faire un déménagement, ou un taxi, ou. Minhad al-Bab, dans le transport, ça arrive beaucoup, et tu dois te déplacer d'un point à un autre, et vous ne vous mettez pas d'accord. Yahad. Thumma huwa, il te dit, tafaddal. Et ba'd al-Tujjar, ils ont des hiyal, et ils font exprès, hum, de ne pas citer le montant. Hatta, une fois qu'il t'a fait le trajet, il t'impose ce qu'il veut. On doit faire attention. Non, avant de monter, c'est combien? Vous allez voir que certains ne veulent pas dire. Ils te disent, c'est, monte. Quand ça arrive à Adam dans les réparations, il veut te réparer ton ordinateur, il veut te réparer ta montre. Et il te dit, c'est. Une fois qu'il a réparé, vu que c'est fait, il te dit, tu lui dis, tu n'as rien dit, tu lui proposes, il te dit, là, c'est pas assez. Comment il te fait monter? Au départ, tu cites. Un cas où on n'a pas cité, que ce soit dans le commerce, les exemples qu'on a cités, ou dans le mar, il y a une solution. قال الشيخ ابن عثيمين فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل قال وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها. Dans ce cas, s'il n'y a pas eu de ta'yin, on ne s'est pas mis d'accord, on n'a pas défini le mahr et on n'est pas d'accord. Maintenant, j'ai proposé une somme et la sœur, elle dit là, c'est pas assez. Et à cette hal, on revient au urf. Maintenant, on vit au Maroc. On vit dans cette ville, à Tanger. Et on regarde, c'est combien le mahr. On se renseigne, il est akhiré vers les voisins. Et maintenant, on va avoir une somme. Ils disent que le mahr, c'est 10 000 dirhams. Ici, c'est connu, c'est à peu près 10 000 dirhams. Tu lui donnes 10 000 dirhams. L'exemple avec le taxi, la même chose. On arrive à l'endroit, le taxi demande 100 dirhams. Et Anta, tu sais que c'est beaucoup. Qu'est-ce 100 dirhams? Tu lui dis là. Il te dit, si, Anna, j'étais emmené. Dans ce cas-là, tu demandes à des autres taxis. Tu demandes, tu te renseignes. De telle distance, maintenant tu vas te renseigner vers 1, 2, 3 taxis, ils vont te dire cette distance c'est 40 dirhams à peu près. tu lui donnes 40 dirhams. Lakin pour fermer les portes, on vit dans une époque, un kathir, mais les gens ne vont pas accepter ça. Ils vont dire, là, je reviens pas, ourf, moi je veux ça, et ça fait des vitaines. Enfin, pour fermer la porte, al-wudhuh, au départ. Hadi nasihatun, et al-ulama yansahun bihada. L'imam Sun'ani, rahimahullah, fi subulus salam, qala, wa annahu yambaghi dhikr as-sadaq fil aqd, li annahu aqta' lil niza' wa anfa' lil mar'a. Aqta' lil niza', ça ferme les portes au problème. Et كذلك انفع للمراه, la femme elle en a besoin. Elle vient de se marier, elle a quitté ses parents, elle a rien, Obama, elle a besoin de certaines choses. Et elle marre, c'est ça min fawaid. Elle n'a avec ces choses, elle veut s'acheter telle chose, fa alhamdulillah, ne pas la priver de le départ. Mais انه يجوز, c'est permis de ne pas donner le mahr directement. Comme ça yati inshallah. Et c'est ça qui est bien de étudier ce genre de livre. Pour ceux qui se sont pas mariés, alhamdulillah, ça sera utile. Et ceux qui ont été mariés, par Obama, ils ont fait ces erreurs, là, ils pourront conseiller leurs enfants, leurs proches, quand tu veux se marier, la nasiha que tu lui donnes, est-ce que vous êtes mis d'accord sur le mahr? Là, mets-toi d'accord sur le mahr. Et ferme les portes. Et donne-le le plus vite possible. Avant, ahsan. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, wa kama yakoun al mahr, malan, ay aynan, yakoun kadhalik manfa'a. Deuxième mas'ala, après avoir cité al mahr, il doit être défini. Deuxième mas'ala, est-ce que le mahr ça doit être forcément de l'argent ou de l'or ou aynan? Mohim, c'est quelque chose comme l'argent, l'or, quelque chose qu'elle va toucher, qu'elle va prendre. Ou manfa'a, مثلاً un service, quelque chose tastafid min, مثلاً je vais t'enseigner le Coran, je vais te donner tel dars. Ou hiya مثلاً elle dit, madalan na'am, je me marie avec lui s'il se convertit à l'islam, s'il rentre fi din. Ou je me marie avec lui s'il fait kada, s'il m'emmène au hajj. Est-ce que c'est valable? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa kama yakun al-mahr malan ay aynan yakun kadhalik manfa'a. Al-sahih. بعض العلماء يقولون لا بد من مال لكن الصحيح سك مم المنفعة لأن الحديث الكلام فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها الشيء من القرآن. Et avant cela, النبي صلى الله عليه وسلم il avait dit à ce صحابي de trouver شيء من المهر ولو خاتم من حديد ولو خاتم من حديد أي ولو une bague en حديد أي quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. فالصحابي pouvait pas, فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن. كذلك في هذا لابد من تعيين pour fermer les portes de الفتن. لابد من تعيين أو ينبغي التعيين. مثلا ça peut être إما في المدة إما في القدر. مثلا je me marie avec toi et je t'enseigne la moitié du Coran. Il doit faire les efforts pour lui enseigner la moitié du Coran. C'est son mahr. Et كذلك في الوقت, ça peut être le waqt. مثلاً, pendant un an, inshallah, je t'enseigne le Coran la première année. Dès que la première année est finie, alhamdulillah, ça fait plus partie du mahr. التعيين لماذا لأن si on définit pas كذلك, ça peut durer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. ثم هو إلى عدة هي تقول لكن c'est mon mahr. Et ouais, il dit mais ça fait déjà deux mois. Là, on ferme les portes. التعيين, le temps. أو لا كونتيتي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. أي نعم. سي cette femme elle accepte comme مهر القرآن أو إسلام هذا الزوج أو قراءته للقرآن إلى آخره. فابن القيم رحمه الله يقول أن ça fait partie des meilleurs مهور, des meilleurs dots. Et là, chacun n'a plus la dot à les bases, plus il y a qu'on fait le baraka comme il y a dit. Inch'Allah. قال والمشروع في المهر أن يكون قليلا فكلما قل وتيسر فهو أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للبركة فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة كما في حديث عائشة رضي الله عنها فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نعم. Plus le mahr il est peu, plus il y a de la baraka. Qala wa rawa Muslim, lakin on précise huna anna si la femme elle demande, fasse min haqqiha. Si elle demande une certaine somme, il a akhri, fasse min haqqiha. Celui qui peut, celui qui veut se marier, il peut. S'il peut lui donner, ça devient sa femme, alhamdulillah. Si c'est trop pour lui, fa ya'tadir. C'est-à-dire, il dit, je ne peux pas. Et si cette femme, elle veut plus, elle veut se mordre, ben, Inch'Allah, elle trouvera un autre homme, il la demandera en mariage et probablement il pourra lui donner. قال روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة فقال كم أصدقتها قال أربع أواق يعني 160 درهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تحنتون الفضة من عرض هذا الجبل عرضي هذا الجبل أي لكون جل مطان أي كأنكم تقطعون c'est comme si vous prenez de هذه الفضة cet argent de cette montagne. هذا من باب الإنكار على غلاء المهور كما نبه الإمام النووي رحمه الله أي cette somme 160 درهم à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم c'était beaucoup فالنبي صلى الله عليه وسلم c'était beaucoup pour cet homme فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré annahu la yanbaghi, c'est beaucoup pour lui. قال ما عندنا ما نعطيك النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن peut rien te donner ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه نعم اي peut-être que النبي صلى الله عليه وسلم قال on t'enverra dans tel ghazwa et inshallah tu trouveras شيء من المال. على كل حال ce qui nous intéresse من هذا الحديث انه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré élever le prix du mahr, c'est pas taille. Wa qala Umar radiyallahu anhu la taghlu sadaqa an-nisa fa innaha law kanat makrumatan fi ad-dunya aw taqwa fi al-akhirah kana awlaakum biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma asdaq an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam imra'atan min nisa'ihi wa la asdaq imra'atun aw imra'atan min banatihi akthar min 12 awqiyah والأوقية 40 درهما لا شك أن مهر النبي صلى الله عليه وسلم qu'il a donné à ses femmes أو qu'il a pris pour ses filles il était قليل لماذا لأن البركة في القليل في هذا الباب قال رحمه الله ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيء في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء عن تخبك صحيح أن لبخي دي دوت ils ont augmenté كثيرا. Et هذا, ça a provoqué des méfaits. Beaucoup de méfaits. غلاء المهور. قال وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر. Vu que, خاصة dans certains pays, أن المهر il est غالي جدا. Et tu trouves من الرجال, بعضهم ils trouvent pas de travail, ou بعضهم ils ont un travail, لكن ça paye pas assez. المهر أحيانا dans certains pays, ça parle en millions. من أين مسكين سيجد هذه الملايين؟ أنت تروف الرجال مع أنهم سيد الصالحين عباد إزام الخير، ils ont atteint un certain âge, la trentaine أو أكثر، et ils sont pas encore mariés à cause de هذا البلاء. لماذا؟ لأن أولاً ils doivent payer le mahr et il est très très cher. ثم بعضهم ils imposent une walima qui est très très chère. ثم il faut bien sûr un appartement où vivre, il faut certains achats quand tu te maries et ça devient pas possible pour هذا الرجل. Pourquoi? حقيقه الوليمه on peut faire une walima طيبه لكن بتواضع quelque chose de modeste, faire inviter proches et quelque chose de modeste pas en plusieurs jours, c'est ça qui prend de l'argent en général. Et le mahr quelque chose de simple de qalil fihi al-baraka. ثم l'appartement et les achats فقليلا قليلا inshallah tu trouves كثير من الشباب pourraient se marier لكن avec هذا الحال c'est difficile. قال وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر فنتج عن ذلك مفاسد منها. Ça a provoqué beaucoup de méfaits, l'augmentation de la dot. Cette augmentation أحيانا c'est de la femme, بعض النساء elles sont attirées كثيرا par le mal et elle demande des dots extrêmement élevées. Et كثيراً c'est الأب والأمهات. أحياناً c'est même pas la fille, c'est la fille, elle veut que se marier, c'est le père et la mère. كأن cette femme c'est devenue سلعة من السلع, كأن c'est devenue une marchandise. Alors ils se disent cette fille elle va partir, on va la marier, autant gagner de l'argent, et ils imposent des sommes énormes. Ça fait du mal à la fille et à cet homme. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله مفاسد منها تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح. Et dans les pays arabes, dans les pays musulmans, beaucoup de shabab, hommes ou femmes, ils sont touchés par ça. Khasatan dans certains bilads. Dans certains bilads, alhamdulillah, al-mahr est encore abordable. Dans certains bilads, c'est vraiment pas cher. Et dans d'autres, c'est compliqué. Ça engendre min mafasid, elle a beaucoup d'hommes et de femmes, ils ne sont pas mariés. Pourtant, ils ont envie, ils ont besoin, ils ont atteint un âge avancé, mais la cause, c'est quoi? C'est la dot, elle est trop élevée. قال ثانيا أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة. فالمهم عند كثير منهم هو ما يستفيدونه من الرجل لامرأتهم. كما قلنا, comme si c'était du commerce. بعض الآباء يرجع بالهم. Est-ce que c'est un salih? Est-ce que il est aqil? Est-ce que, inshallah, il va pas faire du mal à leur fille? Il regarde sa situation, son comportement. Là, il regarde que le mal. S'il peut donner une grosse somme, il mérite cette fille. S'il peut pas donner une grosse somme, il mérite pas. فَجَعَلُوا الْمَسْأَلَ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِ قَالَ فَالْمَهْرُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ مَا يَسْتَفِيدُونَهُ مِنَ الرَّجُلِ لِمْرَأَتِهِمْ فَإِذَا كَانَ كَثِيرًا زوجوا ولم ينظروا للعواقب وإن كان قليلا ردوا الزوج وإن كان مرضيا في دينه وخلقه وتأملوا قوله رحمه الله ولم ينظروا للعواقب لماذا لأن تدخوب الوعظ من الرجال ils ont de l'argent et ce million ou ces 2 millions ou أكثر ils peuvent les payer لكن certains parents ils regardent pas العواقب ça c'est important dans toute chose العواقب c'est regarder après regarder loin لأن c'est ta fille c'est pas de la marchandise. وربما هذا الرجل نعم يبقى بين غصة لكن إلا فخبخة إلا انسلترة لا يكرمها injustice sur injustice et tout ce mal à cette fille pour de l'argent. هذا الأب normalement s'il a un cœur sain et c'est عاقل من باب أولى s'il a du علم et il a un دين قوي متين il va regarder un نافع pour sa fille. L'argent ça vient, ça part. ربما il lui donne une grosse somme et هذا المال يتلف أو il part dans telle chose. مهم, c'est de l'argent. لكن l'honneur de cette fille et son bien-être, c'est أهم. C'est pour ça que le père qui va marier sa fille, normalement il regarde العواقب. لكن vu que beaucoup de gens ils sont attirés par الدنيا et ils ont été éduqués par الدنيا, dans ce bab et dans d'autres ils regardent que الدنيا, que l'argent. S'il a l'argent, c'est qu'il est bien. S'il n'a pas de l'argent, c'est qu'il est incapable. Comme les rijal, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils font des efforts, lakin qaddar Allah annahum, ils n'ont pas d'argent et alhamdulillah rijalun bima'na al-kalima. S'il a de l'argent, yukrimuha. S'il n'a pas de l'argent, yasbir. Et hakadha, quand ça se passe mal, il patiente. On cite le cas le plus critique, annahu ça se passe mal, il la divorcera sans la frapper, sans l'insulter, sans. Fa ma'a salih ya kudu khayr. أما صاحب المال même s'il a de l'argent لكن c'est un مجرم من المجرمين peut-être que des années cette femme elle va vivre عياذا بالله في جحيم وإن كان قليلا رد الزوج وإن كان مرضيا في دينه وخلقه même si peut-être que c'est un طالب علم peut-être que c'est un صالح من الصالحين un bon comportement والناس يشكرونه et les gens ils parlent en lui de bien il est معروف. Normalement ce genre d'homme les pères de famille ils doivent se bousculer pour marier leur fille. On vit à une époque, كثير من الناس ils se sont écartés du din. مع هذا, tu trouves بعض الآباء ils donnent aucun قدر مثل هؤلاء الرجال. وفي سنن الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه. أي si quelqu'un vous demande la main de votre fille. Et vous êtes satisfait par son dîn, son comportement. Et c'est un homme pieux, et il a un bon comportement. Mariez-le. Voilà aussi, il n'a pas beaucoup d'argent. À son époque, cet homme, ce sahabi, c'est un salih, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherche même une bague en hadith. Le hadith, c'est le fer, le métal. لماذا لأن ستفي مصلحة هذه المرأة ستة من سينا بتخوفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مغيه avec la condition qu'il lui enseigne le Coran هكذا ils étaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. Si vous ne le mariez pas, il y aura une fitna fil ard. Et beaucoup de façades. Ça nous montre, hein, parmi les causes de façades, et zina qui s'est propagée, les maladies, et tous ces problèmes, toutes ces fitnes, iyadam billah, à cause de بعض الناس ils ne marient pas les salihin. C'est une des causes. Al hadith, hassanahu, al-Sheikh al-Albani, rahimahullah. Donc deuxième, certains parents, ils ont rendu cette fille comme de la marchandise. Yutajirouna biha, et ils espèrent gagner le maximum d'argent. Ça c'est une mafsada. Troisième point, annahu idha sa'at al-ilaqa bayna az-zawj waz-zawja wa kana al-mahr bihadha al-qadr al-bahid ay al-ghali jiddan rubama des millions. فإنه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان بل يؤذيها ويتعبها لعلها ترد شيئا مما دفع إليها ولو كان المهر قليلا لها عليه فراقها. نعم ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها. هذه النقطة سأغير هذا كذلك. Si le mahr il est énorme, ثم ça se passe très mal dans ce couple entre cet homme et cette femme. Thumma, cet homme, tellement que le mahri est important qu'il a donné, il ne veut pas divorcer. Pourquoi il ne veut pas divorcer? Pas parce qu'il veut garder cette femme-là. Il y en a six divorces. Khalas, le mahri, la femme, elle ne lui rend pas. Une condition, la femme, elle rend le mahri après le mariage. S'il n'a pas de rapport, il reprend la moitié de son mahri. Matalan, il a donné 10 000 euros et ils se sont mariés et il s'est passé ce qu'il s'est passé, il n'a pas eu de rapport ma'aha. Enfin, l'asl, c'est qu'il reprend la moitié. Il reprend 5 000 euros, il lui laisse 5 000 euros. Mujarrad al-aqd, elle garde 5 000 euros. Dînullah subhanahu wa ta'ala. Liana, c'est devenu une femme mariée. Même s'il n'y a pas eu de rapport, c'est devenu une femme mariée. Ba'd al-nas, rubbama, ils disent qu'elle était mariée, l'imad, elle a divorcé. Mouhim, al-iwad, c'est qu'elle garde la moitié. Mais vous, dans notre cas, ils se sont mariés. Rubbama, un mois, deux mois, trois mois, un an, ça se passe mal. S'il la divorce, il ne reprend pas un centime du mahr. S'il lui a donné 5 000 euros, elle garde les 5 000 euros. Si le mahr est important, qu'est-ce qu'ils font? قال الشيخ ابن عثيمين فإنه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها بإحسان. Il ne veut pas la divorcer. Pas parce qu'il veut la garder là. لأنه هو il va penser à son mahr. قال بل يؤذيها ويتعبها لعلها ترد شيئا مما دفع إليها. Un deuxième cas où la femme elle doit rendre une partie du mahr ou le mahr complet, ça c'est des masaïl fil fiqh qu'on détaillera pas. Lakin, pour comprendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la pousser à bout. Il va la pousser à bout, hatta c'est elle qui demande le divorce. Ce qu'on appelle en langue arabe le khul'. Si la femme, dans notre dîn, elle demande le khul', elle doit rendre le mahr. Ah, ou une partie, se mettre d'accord. Si Houa, mathalan, il lui dit, je t'ai donné 5000 euros, tu me rends que la moitié. ففي هذا الحال elle a le droit de demander الخلع. C'est une sorte de divorce, elle fera, et c'est plus sa femme, et elle lui rend son argent. Si la somme elle était énorme et cette femme elle avait un mauvais comportement مع اهل اخرين, بعض الرجال qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire je vais perdre cette femme et elle voulait pas mon bien, voilà, je vais tout faire pour récupérer l'argent. فيؤذيها, il lui fait du mal, ربما ça reste longtemps, حتى cette femme elle craque, elle demande الخلع et elle doit lui rendre l'argent. أحياناً la femme كذلك elle veut pas demander et il reste في هذه الحالة شقاق وحقد وتعب. C'est pas une vie, عياذا بالله. La cause de tout cela c'est quoi? C'est مهرون qui était غالي à la base. Et ça arrive هذا dans beaucoup de pays, là تظنون. أما المهر يسير مهر de 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros ثم يحصل هذا الزوج يفوا كي ça va pas. Et cette femme, elle n'est pas faite pour lui, et lui, il n'est pas faite pour elle, et elle marre, c'est pas grand chose. Et il va faire quelque chose. Il va essayer de se marier avec une autre sœur. Voilà. C'est ça qu'il explique, Cheikh Ibn Uthaymeen, هنا. قال ولو أن الناس اقتصدوا في المهر وتعاونوا في ذلك وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع الخير كثير وراحة كبيرة وتحصين كثير من الرجال والنساء. صحيح. لو الناس أولا اقتصدوا, قال شيخ ابن عثيمين, اي, ils demandent Le minimum. Khassatan, si c'est un homme, il n'a pas beaucoup et il est à la khayr. Normalement, on a dit, les pères, ils devraient se bousculer. Et les sœurs, elles devraient tout faire pour essayer de se marier avec hadha ar-rajul. Lakin, on vit à une époque, anna kathira min an-nas, ils sont attirés par le mal. Wa ta'awanu fi dhalik, kadhalik, hadha, c'est important. Khassatan, les pères de famille. Alors, ils aident leurs enfants. Et kadhalik, man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, il a de l'argent. بعض المسلمين أثرياء ils ont beaucoup d'argent et marie son frère muslim que ce soit un de ses proches ou un de ses amis فهي une récompense énorme وهذا يحصل كذلك dans certains pays muslims بعض الأغنياء يمارِي بعض الشباب قال ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور وزيادتها فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل ولا ندري إلى أي غاية ينتهون هذا الكلام c'est très très vieux Cheikh Ibn Uthaymeen comme تعلمون il est mort il y a une vingtaine d'années et cette rissa-là il l'a écrit bien avant sa mort وربما هذا الكلام il date de 40 50 ans 40 ans الله أعلم مهم des dizaines d'années et Cheikh Ibn Uthaymeen l'avait déjà démontré que ça augmentait d'année en année enfin, que dire de nos jours dans certains pays Al-Urf font pas. Al-Urf, c'est le mahr de moyenne dans tel pays. Dans certains pays, c'est des millions. En euros, c'est des milliers d'euros. L'imad. L'imad, Zawajun, ça doit être basé sur l'if, sur al-tawadu'. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fi hada zawaj. Et comme il y a le nas, ils se sont mariés avec des mouhours ghaliya jiddan, des millions. Thumma des autres millions pour l'walim, que pour impressionner les gens, il a akhiré. Et wa'aduhum une semaine, un mois, deux mois, ils divorcent et ils sont fitab. Thumma ils regrettent. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter les gens? Had al-mal, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Ah, wala shay. Al-baraka, c'est muhim. Et on sait, nahnu walillahi alhamd, avec l'étude de cette risale, al-baraka, fi al-mahr, li fi al-qalil, et fi al-halal. Qala wa laqad kana ba'du an-nas, wa khususan al-badiya, يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة وهو تأجيل شيء من المهر مثل أن يزوجوه بمهر قدره كذا نصفه حال ونصفه مؤجل إلى سنة أو أقل أو أكثر وهذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف نعم شيخ ابن عثيمين كذلك السيت هنا أن البعض pour faciliter il demande pas tout au mari d'un coup مثلا au départ il donne la moitié ثم au bout d'une période 6 mois 1 an 2 ans il donne le reste هذا كذلك ça facilite ça nous montre que c'est permis المهر c'est pas une condition de le donner directement là il faut se mettre d'accord c'est afdal et celui qui peut le donner entier il le donne ou ils s'ils se mettent d'accord et ils acceptent et ils disent inshallah tu donnes à la fin de l'année ou au bout d'un an هذا لا بس لكن celui qui s'engage il assume et celui qui ne peut pas يعلم من حاله انه il pourra pas il s'engage pas لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم المسلمون يرespectent les conditions si ce père de cette fille il t'a facilité et vous êtes mis d'accord tu dois respecter cette condition والله تعالى أعلم هذه المسألة الأولى المهر et le prochain cours إن شاء الله la deuxième مسألة أي في الآثار المترتبة على النكاح أي ce qui va impliquer comme les choses qui vont découler de ce mariage al-mahr et le deuxième point an-nafaqa ay le fait de nourrir cette femme de lui acheter des vêtements ou loger ila akhir ça c'est une obligation pour le mari yaktafi bi hadha al-qadr subhanak wa bihamdik shadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu